La chronique du football collégial, une présentation de Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini, là où l'expérience client est inégalée. Les Gaillards de Jonquière ont remporté une victoire de 45-13 contre le Collège d'Antic. Ça se passait samedi soir au Centre Claude-Robillard de Montréal. Évidemment, comme je vous ai dit, il y a 8 joueurs de Dolbeau-Mistassini qui étaient dans la formation des Gaillards. Et pour en parler, ben, on rejoint le porteur de ballon qui a eu au-dessus de 140 verges de course, Jordan Fortin. Salut Jordan! Hey Jordan, j'imagine qu'on est... Est-ce qu'on est revenu de la victoire? Est-ce qu'on est dégrisé de cette victoire-là? Ouais, on a dégrisé un peu, mais on continue. Est-ce que tu t'attendais... Moi, honnêtement, je regardais le pointage, je m'étais dit défensivement, ils ont une grosse équipe, ça va être un match serré, mais j'ai pas vu le match, mais ce que j'ai vu le lendemain, 45-13, c'était quelque chose, là. Ben, nous autres, là, on l'avait vécu l'année passée. On était vraiment prêts. On n'allait pas là pour perdre. On a commencé fort. Puis on les a frappés. Ça a payé. OK. Est-ce que tu penses que ton expérience, l'expérience de l'équipe, a été pour quelque chose dans cette victoire-là? Ouais, ça a valu pour gros. C'était vraiment pas la même ambiance l'année passée. Les gars, il y avait beaucoup plus d'esprit. Puis on avait une meilleure équipe. Du niveau esprit d'équipe. Puis on était là pour gagner. OK. Jordan, la préparation la semaine passée, comment tu as trouvé ça? Dans le froid, il faisait froid. François Laberge me disait que c'est probablement en 20 ans la semaine la plus froide qui a passé. Comment tu as trouvé ça de se pratiquer dans le froid? Écoute, en dessous de mes épaules, j'avais ma froide d'hiver. Je faisais un froid en maudit. C'était de la mort. Mais c'est ça du football canadien, Jordan. Dans le froid, ouais. L'automne, c'est vraiment là, ce qu'on appelle le football canadien. Hey, dis-moi, le feeling de gagner, ça représente quoi? Ben, on s'en rend pas compte tout de suite. C'est après qu'on se dit, ça a payé tout ce qu'on a fait. Là. Ça fait longtemps qu'on travaille pour ça. Ça fait plus qu'un an, tu sais. Ouais. Et tous les entraînements hivernales, puis tout, on a travaillé fort pour ça. Puis. C'est là qu'on le constate, c'est dans cette semaine-là qu'on se dit que ça, on est champion. Ouais. Jordan, si est-ce qu'aujourd'hui, comment ça a été au cégep de Jonquière? Est-ce que c'était spécial ou pas plus que ça? Ben, c'était un petit peu festif, mais pas plus que ça. Tous les joueurs sont allés avec nos médailles, puis les autres joueurs de basket, de volleyball, ils disaient good job, puis c'était bien plaisant. OK. Là, il se passe, donc j'imagine, toi 140 verges de... Mais t'es-tu d'accord avec moi que ça s'est joué la semaine passée contre Saint-Hyacinthe? Hey, 17-0, honnêtement, là, c'était... j'avais fermé les livres, moi. C'est là que ça s'est joué pas mal, là. Ouais, c'est là, c'est vraiment le tournant de tout ça. On a sorti vraiment... En tout cas, on a mal débuté le match. C'était plus tannant, mais on ne s'était pas... C'était vraiment le temps. 2 minutes de moins, puis la game, on part bailler. Ben, c'est sûr. Puis c'était un match pour toi, hein, quelque part, à la fou. Moi, je l'ai vu, ce match-là, à la fou, il était pas là. C'était un match physique, d'abord. Et c'était plus ouais. Un match pour toi, hein? C'était un match plus physique, un peu, mais surtout, dans le fond, on l'a dit, c'est un gars plus de finesse, un peu, qui fait plus de move, comme on dit, là. Ouais. Puis il y avait de la misère à côté parce qu'il y avait de la neige. Moi, je fais moins de cotes un peu. Fait que ça m'a avantagé dans ce match-là. OK. Là, les Gaillards, il y en a plusieurs qui prennent, qui ont fini cette année. Il y a Philippe Lavoie, William Saint-Pierre, il y a aussi Simon Gagnon, de ce que je connais. Là, il y en a d'autres, j'imagine. Là. Est-ce que l'équipe, d'après toi, va être compétitive pareil? Ben, offensivement... Ça va se ressembler. On perd un joueur de ligne, Gabriel Gélina. Après ça, on perd l'anglais, un receveur. Mais je pense que ça va être plus à la défense que ça va te faire ressentir ça. Ça va prendre un bon recrutement. Ben oui, c'est sûr. Je pense que Coach Fink est prêt. Puis c'est un bon recruteur. Ben là, on va y parler demain à François. Fait qu'il faut faire le bilan de tout ça. Mais je voulais parler à un gars de Dolbeau aujourd'hui parce que à quelque part, il y a 8 joueurs d'ici. 8 joueurs, c'est beaucoup là quand même là, qui font partie de l'alignement, là, des Gaillards. Ouais. Ah non, Puis Danny, je te remercie pour nous supporter là-dedans. J'ai checké une couple de tes entrevues avec quand tu as interviewé l'entraîneur d'Amsic. Ben oui, c'est sûr que c'est... Écoute, avec nous autres. Oui, on était là, Jordan, pour l'équipe. On était là pour les gars de Dolbo, puis on est là pour ça. Ben, Jordan, félicitations. Demain, on va clore l'année avec François Laberge. Félicitations, puis au plaisir de s'en reparler. Je pense qu'on va recommencer ça l'automne prochain. C'est bon, je vous remercie. Voilà le porteur de ballon, Jordan Fortin, de Dolbo, Mississippi.